rendîmes en boîte de nuit. On y passait Eric Satie. Doucement, je pris la main de Fiona et l'emmenai sur la piste avec moi. Fiona, Fiona, serre-toi contre moi. Fiona, Fiona, serre-toi contre moi.